me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est l'importance du site de Kiryat Yeharim par rapport à Jérusalem, demande Thomas Römer. Que nous apprennent les fouilles de ce sanctuaire et quelle est son activité cultuelle? Comment le transfert de l'Arche d'Alliance vers Jérusalem est-il un ajout de l'époque du roi Josias? Comment ces scribes ont-ils révisé l'ancien récit de l'Arche? Comment les guerres que vont mener Samuel, Saül et David préparent-elles l'insertion de l'Arche dans certains textes? Quelle est la dangerosité de cette Arche? Et comment la maison de David et de Saül se sont-elles définitivement séparées? Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, achève aujourd'hui sa grande enquête au cœur des textes bibliques et des sources antiques dans le cadre de sa série intitulée « L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires ». Il s'attache en particulier au site de Kiryat Yeharim avant de revenir sur le travail d'écriture de l'histoire de l'Arche dans le contexte du roi Josias. Dans une interview donnée au Point, Thomas Römer avait rappelé en 2014, et je le cite, « La réforme religieuse de Josias, roi de Juda vers 620 avant notre ère, marque un tournant essentiel. Les Assyriens avaient annexé Israël, le grand royaume du Nord, en 722. La monarchie judéenne avait mieux résisté, mais son territoire était considérablement amputé. Josias va vouloir consolider une royauté et une identité affaiblie et il a pu bénéficier du déclin des Assyriens menacés par les Babyloniens dès 630. Josias centralise le culte, il élimine tous les cultes associés à Yahvé, notamment celui d'Achéra, la déesse qui était sa compagne jusqu'alors. Le temple de Jérusalem devient le seul lieu de culte du royaume. On rédige le Deutéronome censé présenter la loi de Yahvé telle qu'elle a été révélée dans le désert à Moïse, dont la légende s'élabore alors. Et pour faire accepter ces réformes, explique encore Thomas Römer, les scribes judéens vont axer leur propagande sur la piété et la fidélité des rois à ce texte. Alors comment le temple de Jérusalem l'a emporté sur tous les autres sanctuaires? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 12 avril 2018 pour le cours de Thomas Römer, aujourd'hui, l'arrivée de l'Arche à Kiryat Yeharim, aspects bibliques et archéologiques, et son transfert à Jérusalem. L'insistance sur le fait que Yahvé est appelé ici saint, Kadosh, hein, comme aussi dans la vision de Ésaïe, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai, hein, montre en effet que pour gérer l'Arche et la sainteté de Yahvé, il faut un personnel adéquat. Donc c'est aussi en fait une sorte d'explication. Donc vous vous souvenez, l'Arche, quand elle était à Shiloh, à Silo, il y avait Élie et ses fils. À Beth-Shemesh, apparemment, il n'y a pas de personnel de culte ou de prêtre. Donc, c'est pour cela, en effet, il faut amener l'Arche à la colline de Kiryat Yeharim. Le mot colline, Givéa, ça peut être parfois aussi le nom de ville, hein, des villes qui sont justement sur des collines, mais ici, il est évident que c'est la colline d'une ville qui s'appelle Kiryat Yearim. J'y reviens dans un moment. Donc, sans doute le lieu cultuel sur la hauteur de la ville. Donc, 1 Samuel 7 conclut l'histoire de l'Arche en montrant comment Kiryat Yearim devient son nouveau sanctuaire. Puisqu'il y avait Essaim, Kadosh, il faut sanctifier, et c'est exactement la même racine que nous avons quand on dit qu'on a sanctifié le fils d'Avinadav, Eléazar, Kidesh. Donc pour le Yahvé Saint, il faut quelqu'un qui soit sanctifié, à savoir Eléazar, le fils d'Avinadav. Alors, est-ce seulement par hasard ou non que ce nom, Eléazar, est aussi le nom d'un fils et d'une certaine manière le successeur de Aaron, Aaron le frère de Moïse, premier des prêtres. Donc la garde de l'arche échoit maintenant à une nouvelle famille sacerdotale à Kiryat Yearim. Voilà. Mais c'est pas encore fini. D'abord, il faut nous intéresser un peu à Kiryat Yearim. C'est un endroit assez intéressant et ça pourrait avoir été, sur le plan historique, en effet, un sanctuaire concurrent de celui de Jérusalem. Vous savez, la Bible, elle est très sélective. Et parfois, on découvre, sur le plan archéologique, des sites qui ne sont pas ou peu mentionnés dans la Bible. Nous avons à 7-8 kilomètres au sud de Jérusalem, un site qui s'appelle Ramat Rachel, qui est fouillé surtout par Odet Lipschitz. Grand centre administratif depuis l'époque assyrienne jusqu'à l'époque perse. Et la Bible n'en parle pas. Probablement pour ne pas mettre de l'ombre sur Jérusalem. Peut-être ici, c'est quelque chose de similaire. Alors, Kiryat Yearim, la ville des forêts, qui aujourd'hui en arabe s'appelle Der Elazar. Et Elazar, ben, ça rappelle quand même un peu Eléazar, non ? Qui était le prêtre en service. Donc peut-être le nom arabe, évidemment qu'on traduit autrement, mais peut-être le nom arabe, il a peut-être gardé quand même encore le souvenir de ce Eléazar. C'est à proximité immédiate de Abu Ghosh, connu surtout pour ce restaurant de houmous aujourd'hui, mais qui appartenait bon, à des clans palestiniens. Abu Ghosh, donc, un des, selon on lit l'histoire, certains disent un bandit, d'autres disent un grand notable, peu importe. Il avait un autre nom arabe, Kiryat al-Inab. Donc la ville des raisins, et là, dans ce nom-là, on vous conserve le Kiryat, dans le Kiryat. Bon, alors, l'identification de cette colline est assez claire sur le plan donc géographique. On peut aussi dire que ça confirme ce qui est dit dans Josué, où Kiryat Yearim est en effet situé entre Beth-Horon et Kesla ou Chesalon dans le sud. Donc ça correspond également et aussi chez le père d'église Eusèbe qui a fait toute une onomastique des lieux de la Terre Sainte où on dit que c'est une route qui n'est pas trop loin de Diaspolis, donc Lod, vers Alia, c'est-à-dire Jérusalem. L'identification donc pose pas de problème. Parce que vous savez, à certains lieux, on n'est pas tout à fait sûr. Là, on peut être assez sûr. Le site aujourd'hui abrite une église. L'église de Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. Et qui, en fait, héberge aussi un couvent des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Après, c'est comme à Qumran, c'est toujours pareil. On dirait que c'est presque un motif littéraire, mais en même temps, apparemment, ça correspond à une réalité. C'est de nouveau un paysan qui va s'occuper des oliviers et dans la charrue va heurter un mosaïque, justement sur le site de Kiryat Yerim. Du coup, le père Lagrange de l'école biblique de Jérusalem va entreprendre des fouilles et il va en effet découvrir les restes d'une église byzantine, hein, détruite d'abord par les Sassanides et encore une fois reconstruite et redétruite, mais dont vous pouvez encore voir les mosaïques aujourd'hui. Donc si vous allez à Kiryat Yerim, à l'intérieur de l'église, on a laissé, donc l'église, bon, on peut discuter de l'architecture, mais à l'intérieur, ils ont quand même fait un bon choix en laissant les mosaïques visibles. Et donc évidemment, on peut aussi se poser la question sur quoi l'ancienne église byzantine a été construite. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a construite là-bas. Donc peut-être sur un ancien sanctuaire. Le nom de Kiryat Yerim, en hébreu, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais il n'est pas toujours écrit exactement de la même manière. Parfois, c'est avec l'article, parfois, il y a peut-être un problème parce que Kiryat Arim, c'est la ville des villes, ça ne va pas très bien. Parfois, on a Kiryat tout seul, ou Givat Kiryat. Ba'ala, là-dessus, il faut revenir. Ba'ala, donc Ba'al, ou Kiryat Ba'al. On a encore aussi les champs de Yahar, donc on a Yoharim, des forêts, dans un psaume. Et puis, ce qui complique encore évidemment les choses, c'est que les textes grecs ont souvent des noms encore un peu plus différents. Donc, ce sera typiquement un sujet de thèse. Il faut expliquer ces différents noms. Certains vont dire aussi que c'est des thèses dont personne n'a besoin, mais ce serait quand même intéressant de savoir un tout petit peu comment expliquer les différences. Je pense qu'on a peut-être quand même besoin. Alors, dans la Bible, cette ville apparaît dans beaucoup de contextes. Je vais vous les énumérer, mais un peu plus rapidement. D'abord, ça c'est intéressant, en Josué 15, vous avez une liste des villes du nord de Juda, où Kiryat Yerim apparaît. Ensuite, vous avez en Josué 18 deux éléments différents. Vous avez une liste des frontières entre Juda et Benjamin et Kiryat Baral, identifié à Kiryat Yerim, pardon, et en effet situé sur la frontière entre Juda et Benjamin. Après, dans une autre liste du même chapitre, Kiryat Yerim, par contre, est identifié comme une ville faisant partie de la Nahala, du patrimoine benjaminite. Donc il y a apparemment des hésitations si Kiryat Yerim fait partie de Benjamin et de Juda. Après, la ville apparaît dans les textes Néhémie et Esdras, qui contiennent une liste des revenus de l'exil, des gens qui étaient déportés à Babylone et qui reviennent. Et on va le mentionner ensemble avec Kephira et Bethoron. Donc trois endroits qui sont assez proches. On va dire qu'il y a 743 personnes qui sont revenues s'installer dans ces trois villes. Et donc ça montre en effet l'importance de Kiryat Yerim à l'époque perse et hellénistique. Je ne vais pas vous donner tout, parce que je vais le mettre sur le site, mais je vais vous parler d'un texte narratif qui peut être intéressant, c'est en Jérémie 26. En Jérémie 26, nous avons un prophète qui est originaire de Kiryat Yerim. Il y eut un autre homme qui prophétisait au nom de Yahvé, Uriahu, fils de Shemaïahu, de Kiryat Yerim. Il proféra contre cette ville et contre ce pays des oracles semblables à ceux de Jérémie. Ça, c'est très intéressant. Ça se trouve, en fait, au chapitre 26. Et le chapitre 26 raconte, encore une fois, comment Jérémie a annoncé la destruction du temple et a eu un certain nombre, quand même, de problèmes avec, surtout, les prêtres. Et on va dire, mais il y a un autre de Kiryat Yearim qui a dit exactement la même chose, mais qui finit moins bien que Jérémie. Hein, donc il est rattrapé, il veut s'enfuir en Égypte, il est rattrapé et Yoyakin le fait exécuter. Pourquoi c'est intéressant pour notre sujet? C'est que la mention de Kiryat Yearim montre que c'est quand même une ville qui a une certaine activité culturelle, parce que les prophètes souvent sont quand même rattachés à des sanctuaires. Hein? Ils sont rattachés à des sanctuaires, ce n'est pas des prophètes. Bon, quand c'est exceptionnel, on le dit comme Amos qui dit, voilà, j'étais à Bouvier, puis Yahvé m'a forcé de prophétiser. Mais très souvent, en effet, les prophètes sont en lien avec un sanctuaire. Donc s'il est de Kiryat Yearim, on peut se poser la question s'il n'y avait pas un sanctuaire à Kiryat Yearim. Et le fait qu'il soit venu de Kiryat Yearim à Jérusalem, bon, maintenant c'est la grande spéculation, mais qu'est-ce que ça pourrait signifier? Ça pourrait signifier que justement qu'à l'époque de Josias, on a transféré l'arche de Kiryat Yearim à Jérusalem. Et donc du coup, les prophètes de Kiryat Yearim, bah, ils ont migré avec et sont arrivés à Jérusalem. Et le lien avec l'arche est encore souligné dans ce chapitre, puisque lors du discours sur la destruction du temple, qui est le même titan de Jérémie et de Uriahou, bah, cette destruction est en effet comparée, la destruction de Jérusalem, à celle de la destruction de Shiloh. Donc ça veut dire qu'à l'époque où on a composé ce texte, Kiryat Yearim était une ville connue, habitée, importante. Donc, si on résume les données bibliques, on peut dire que Kiryat Yearim est une ville frontière entre Juda et Benjamin. Dans les textes plus anciens, c'est probablement Benjamin. Ensuite, elle passe à Juda. Et les textes qui mentionnent cette ville peuvent être datés, grosso modo, entre le 8e et le 4e, 3e siècle avant notre ère. Et encore quelques remarques sur le lien entre Kiryat Yearim et Kiryat Baal ou Baala, parce qu'il y a des textes qui identifient Kiryat Yearim et Baala ou Kiryat Baal. Donc du coup, on a l'idée que Kiryat Baal, la ville de Baal, est le nom le plus ancien qui ensuite a posé des problèmes théologiques à cause du nom Baal, et qu'on aura donc du coup remplacé par Kiryat Yearim, qui est plus neutre. La théorie opposée veut que Kiryat Baal soit un nom polémique pour Kiryat Yearim. Donc on aurait en fait appelé Kiryat Yearim de manière négative Kiryat Baal. Des telles choses existent dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Osée, il appelle le lieu de Bethel, où il y a le sanctuaire, il appelle Beth-Aven, maison de malheur, maison de tous les maux. Donc ce n'est pas impossible, mais contrairement à Osée, ici, dans ces textes, il n'y a pas vraiment de visée négative qui est perceptible. Donc je pense que ce n'est pas une bonne théorie. Ce qui est également, à mon avis, à rejeter, c'est le fait que ce soit deux localités différentes, parce que là aussi, on n'a pas vraiment d'indication. On peut mentionner, par contre, qu'un même lieu peut avoir des noms différents. Bethel, Luz, Baal Peor, Beth Peor, Hebron, Kiryat Arba, etc. Donc, Kiryat Baal, peut-être, est soit le même nom, ou le nom d'une partie de Kiryat Yearim, rappelant peut-être une allusion à un sanctuaire de Baal. Mais la question qui reste aussi ouverte, qui est ce Baal? Parce que Baal, ça pourrait être aussi un titre pour Yahvé. Baal, comme vous le savez, Baal, c'est simplement le Seigneur. Donc, je pense la solution la plus simple, c'est de comprendre Kiryat Baal ou Givat Yéharim comme une allusion à la colline. Et on voit que, par exemple, en 1 Chronique 13, David monte à Baala. Donc, on monte à Baala. En Josué 18, on a la colline de Kiriath. Et donc, il faut en effet imaginer probablement cette alternance avec l'idée que Kiriath Baal ou Baala, c'est en fait la colline de Kiriath Yéharim. Et Kiriath Yéharim, en fait, est l'ensemble du site. Donc, Kiriath Baal ou Givat Yéharim est le sommet. Et dans le sommet, évidemment, souvent, il y a des sanctuaires et autre chose. Donc, pour tester un peu tout ça, il y a eu des fouilles donc, qui ont été faites l'année dernière en collaboration avec l'Université Tel Aviv et le Collège de France. Auparavant, il y avait très peu de fouilles parce que, ben, à la fois, c'est un terrain occupé par des sœurs sous protectorat français. Donc, situation assez compliquée. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Il y a eu des sondages. On a ramassé un peu la poterie pour voir ce qu'il y a. Et puis, il y a eu une fouille préventive, une fouille de sauvetage, lorsque les sœurs ont agrandi, en fait, leur couvent. Ça, c'est obligatoire en Israël. Et donc, on a fait des fouilles de sauvetage. Et puis, ce que tous les fouilles ou tous les sondages, en fait, bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais ce que tout le monde, en fait, peut voir, c'est que c'est un lieu très important au premier millénaire, donc à l'époque des récits bibliques. Maintenant, ce qui est intéressant, si vous prenez la vue aérienne, donc si vous survolez Kiriath Yéharim avec des drones ou autres moyens, vous voyez que c'est une sorte de plateforme qui pourrait être en effet une construction humaine. Donc, il n'y a pas une plateforme naturelle, plutôt une plateforme humaine, qui évoque d'ailleurs quelques sites, j'y reviendrai, du royaume du Nord. Donc, l'idée, c'était de voir si là où il y a l'église, où il y avait l'église byzantine, s'il y avait déjà une sorte d'enceinte administrative ou religieuse, qui a en effet ensuite inspiré des générations suivantes de s'y installer. Bon, c'est comme avec l'esplanade du temple, vous ne pouvez pas creuser sous l'église. Je pense que les sœurs ne l'auront pas permis, on n'a pas osé même demander. Donc, on a creusé autour, donc avec trois areas au nord et au sud, donc pour tester un peu l'idée d'un mur qui pourrait entourer l'enceinte. Et ici, l'area C, plutôt un peu à l'extérieur, pour voir si on peut avoir une sorte de stratigraphie, les couches. Les couches, c'est important pour les textes, mais c'est aussi important pour l'archéologue. Donc, comme je vous ai dit, on a trouvé beaucoup de poteries in situ et hors situ. Et la poterie, évidemment, est importante parce que ça permet déjà un tout petit peu à dater les phases d'occupation. Et donc, la plupart des poteries viennent du 8e au 6e siècle, à peu près. Donc, on est vraiment à l'époque de l'histoire de la monarchie. On a trouvé des petites choses, comme cette empreinte qui est typique pour les rois judéennes, hein, et d'autres figurines, comme par exemple ce cavalier qui date plutôt du 6e, 5e siècle. Mais la découverte la plus importante, c'était celle d'un grand mur d'une largeur quand même de 3 mètres hein, et qui, à certains endroits, en effet, est construit directement sur la roche-mer, c'est-à-dire il n'y a pas de niveau en dessous. Ce mur est assez important. Le problème, évidemment, c'est que ce mur n'est pas préservé comme on voudrait, parce que le mur, bah, il était reconstruit, on a utilisé les anciennes pierres à l'époque hellénistique, etc. Donc, ça rend les choses un peu complexes. Pour l'area C, par contre, là, on a pu trouver assez facilement 4 niveaux d'occupation, hein, tous de l'époque de fer, qui pourraient indiquer, mais c'est peut-être un peu trop tôt encore pour le dire, une sorte d'activité commerciale de style tannerie, ou établissement de teinture, peut-être, On a trouvé un poignard aussi. Quelques ostracas, mais qui sont très, très effacés, donc qui sont encore en analyse. On espère qu'il y a quelque chose qui est dessus. Mais comme je vous ai dit, là, on est clair qu'on a là des niveaux du fer, hein, disons du premier millénaire. Maintenant, pour le mur, c'est très compliqué. Et je ne vais pas vous ennuyer avec des cours maintenant de chimie et de physique. Quand vous voyez ça, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Moi non plus. Hein. Donc, ça s'appelle « Optical Stimulated Luminescence Dating ». Donc ça, en effet, on peut, avec une méthode qu'il faut creuser sur le terrain, et on peut en effet tester pendant combien de temps des minéraux ont été exposés au soleil. Hein. Donc, par l'analyse, une sorte de rayonnement ionisant. Et puis, bon, évidemment, ce n'est pas très précis, mais ça permet quand même, si vous voulez, de distinguer quelques grandes époques. Et selon le résultat de cette analyse, il est assez vraisemblable que ce mur aurait été construit pour la première fois entre 900 et 700, ce qui est quand même déjà un bon résultat. Donc, du coup, on a grosso modo deux alternatives. Qui a pu construire ce mur ? Et donc, évidemment, aussi le podium entouré par, tenu par ce mur. Construction parallèle en Édom, en Jordanie, à Bousséra, ça, c'est probablement assyrien. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est les Assyriens qui, probablement aussi, ont construit Ramat Rachel, qui sont responsables de cela ? Mais c'est peut-être un peu tard. Et puis aussi, il n'y a pas vraiment dans les textes assyriens d'allusion à ça. L'autre possibilité, c'est que je vous ai déjà dit que ce plateforme ressemble quand même beaucoup à des constructions ou à des sites du Nord. Par exemple, si vous comparez Samarie avec Kiryat Yearim, c'est assez proche, hein, d'une certaine manière. Donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une construction du Nord ? Hein ? D'autant plus qu'on a trouvé des pierres de taille, non pas dans le site, mais des pierres de taille qui sont en effet taillées des quatre parties, ce qui est plutôt rare dans le sud, mais qui est fréquent dans le nord. Donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est un moment où un roi du nord a, en fait, occupé Benjamin et fait de Benjamin, en fait, une partie du royaume du nord, d'Israël. Et on apprend en effet que dans 2 rois 14, Joas aurait en effet contrôlé toute la région. Puis on parle de Beth-Shemesh qui est juste à côté. Mais Joas est un peu tôt. C'est donc peut-être plutôt Jéroboam II, qui aura quand même régné 40 ans et qui, selon la plupart des spécialistes, le royaume du Nord a eu son extension maximale. C'est un de ces rois maudits dont la Bible parle peu, mais c'est possible en effet que la colline de Kiryat Yearim soit en effet l'œuvre de Jéroboam pour peut-être faire quelque chose de similaire que les Assyriens avaient fait avec Ramat Rachel, sorte de centre administratif ou une sorte de sanctuaire frontière, ce qu'il a fait avec Bethel. Dans le livre de Amos, qui est contre justement Jéroboam, Jéroboam est critiqué aussi par rapport à Bethel, qui est appelé le sanctuaire du roi. Et donc peut-être Kiryat Yearim avait donc une fonction similaire. Alors la thèse que certains ont trouvée de nouveau très spéculatif, et c'est vrai, c'est spéculatif, il faut la tester, c'est que l'histoire primitive de l'arche, qu'on a analysée jusqu'à maintenant, hein, que en fait aurait été écrite par des scribes de Jéroboam pour légitimer l'installation de l'arche à Kiryat Yearim et pour même, d'une certaine manière, la construction de Kiryat Yearim. Mais évidemment, je vous dis, ça reste assez spéculatif. Ce qui est moins spéculatif, c'est la suite de l'histoire du lieu, parce que d'abord, on peut montrer que les fouilles dans le secteur C que je vous ai montré n'indiquent aucune trace de destruction. Ça veut dire au moment où Jérusalem a été détruite, et Jérusalem c'est à 8 kilomètres, hein, où Jérusalem a été détruite par les Babyloniens, les montagnes n'ont pas été touchées. Hein. Il n'y a pas de destruction. Donc l'idée que tout le peuple a été déporté, que tout était vide, correspond pas à la réalité. Mais ça montre aussi pourquoi le site est montré après comme un site où les gens peuvent s'installer quand ils reviennent de l'exil. Il y a au niveau des murs des traces très clairement de reconstruction à l'époque hellénistique, peut-être sous les Séleucides, parce que dans le livre de Maccabée, on mentionne les travaux d'un général séleucide, Bacchides, avec également aussi des mentions des remparts. Donc ça pourrait aller. Et après, c'est très clair, il y a à l'intérieur de l'église des inscriptions romaines qui montrent que c'était en fait un camp romain et on fait allusion à la présence de la 10e légion à cet endroit. Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, Mythes et Histoires. Aujourd'hui, le transfert de l'Arche de Kiryat Yearim à Jérusalem. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la première saison des fouilles a quand même fourni des indications pour l'importance de ce site. Il y a des gens qui pensent qu'il ne faudrait pas trop mêler les recherches publiques avec les recherches archéologiques, mais moi je pense au contraire, il faut les mêler. Donc je pense que ce que l'archéologie peut montrer, d'une certaine manière, l'analyse du récit biblique de l'Arche peut en effet résonner par rapport à cela. Donc c'est pas du tout dans le sens d'un concordisme, bien au-delà, vous avez compris la démarche, donc c'est pas du tout pour dire que ce qui se passait dans l'histoire de l'Arche, c'est des événements historiques, mais plutôt de trouver un contexte socio-historique pour expliquer pourquoi on raconte des choses de cette manière-là. Et donc du coup, ça veut dire aussi que le transport de l'Arche à Jérusalem n'a rien à voir avec ce contexte-là, et qui ne fait pas partie de l'histoire ancienne de l'Arche, mais un ajout peut-être, de nouveau à tester, un ajout de l'époque du roi Josias. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vous ai déjà évoqué cette hypothèse que c'est peut-être pas David sur le plan historique qui a fait déplacer l'Arche à Jérusalem, mais que c'est quelque chose qui s'est plutôt passé à l'époque du roi Josias. Cet ajout est déjà préparé par le verset 2 qu'on a rajouté à 7.1. Donc 7.1, nous l'avons vu tout à l'heure, 1 Samuel 7.1, c'est la fin, la conclusion originelle de l'histoire de l'Arche, avec la consécration d'Éléazar. Et puis après, on a, depuis le jour de l'installation de l'Arche, où l'Arche a habité à Kiryat Yearim, il s'était écoulé des jours, 20 ans, lorsque toute la maison d'Israël se mit à gémir après Yahvé. Pourquoi se met à gémir ? C'est un verbe rare. On peut imaginer que ça a été choisi pour introduire toutes sortes de contextes d'oppression militaire, de conflits militaires pour lequel en fait on aura besoin de l'Arche, donc pour aussi préparer les différents lieux que je vous ai montrés à la deuxième leçon où on mentionne l'Arche, mais où on peut montrer en effet que ce sont des lieux, disons des versets ajoutés après coup. Donc le récit de 2 Samuel 6 fait un certain, comment dire, un certain aboutissement de cette nouvelle série de mentions de l'arche, mais qui va continuer jusqu'à un roi 8, jusqu'à l'installation de l'arche dans le temple par Salomon. Donc ce récit a trois parties qui ne sont pas tout à fait identiques. D'abord, c'est un récit sur la dangerosité de l'arche, je vais vous le traduire tout de suite. Ensuite, une sorte de procession avec le David dansant devant l'arche, et finalement, une sorte de critique de la femme de David, Michal, qui, en critiquant leur mari, va être frappée de stérilité. Les trois parties sont reliées entre eux parce qu'au verset 5, on mentionne déjà la musique, au 16, déjà le mécontentement de Michal, mais qui certainement n'a rien à voir avec l'histoire de l'arche, qui est plutôt liée à l'histoire de l'ascension de David, dont je vous ai parlé aussi brièvement. Alors, les premières deux parties sont contrastées. Dans la première partie, l'arche est un objet très dangereux, alors que ensuite un objet liturgique. David, dans la première partie, réagit de manière au moins ambiguë, alors que dans la deuxième, il est présenté de manière très positive. Donc, est-ce que les deux parties ont été reliées dès le début ou est-ce qu'ils ont des contextes différents? Alors, je vais vous lire les versets 1 à 12. David rassembla encore toute la troupe d'élite en Israël, 30 000, 70 à même 70 000. David se leva à Allah ainsi que toute la troupe qui était avec lui à Baala, donc maintenant on sait ce que c'est, ce qui est Kiryat Yearim, appartenant à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu sur laquelle est invoqué le nom de Yahvé Tsevaot qui siège sur les chérubins. Je vous ai déjà parlé de ce nom. Ils transportèrent l'arche de Dieu ou de Yahvé sur un chariot neuf et l'emportaient de la maison d'Avinadav qui se trouve sur la colline. Uzza et Ahio, les fils d'Avinadav, conduisaient le chariot. Il l'emporta de la maison d'Avinadav qui se trouve sur la colline avec l'arche de Dieu et Ahio marchait devant l'arche. Quant à David et toute la maison d'Israël se réjouirent devant Yahvé de toute leur force avec des instruments sous-entendus de bois de cypress, avec des chants, des lyres, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Donc il y a tout un orchestre. Il vint à l'ère de Nachon, Uzia étendit la main vers l'arche de Dieu, il la saisit. En effet, les bœufs avaient glissé. La colère de Yahvé s'enflamma contre Uzza et la divinité le frappa là-bas à cause de l'insolence et il mourut là près de l'arche de Dieu. David s'échauffa. Alors la septante corrige, David perdit courage parce que s'échauffer, c'est plutôt être mécontent parce que Yahvé avait opéré une brèche vis-à-vis d'Uzza et l'appelait le lieu Peretz Uzza et jusqu'à ce jour. Et David craignit Yahvé en ce jour et dit « Comment l'arche de Yahvé viendra-t-elle vers moi ?» Et David ne voulait pas transférer vers l'arche de Yahvé vers la ville de David. Il la détourna dans la maison d'Obed-Edom, le Gittite ou le Gatite, celui de la ville de Gat. Et l'arche de Yahvé demeura dans la maison d'Obed-Edom, le Gittite, 3 mois, et Yahvé bénit Obed-Edom et toute sa maison. On informa le roi. Yahvé a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David partit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Edom dans la ville de David, dans la joie. Donc, David rassemble encore toute la troupe d'élite. Encore, c'est un peu curieux dans ce récit, on ne sait pas très bien à quoi ça fait allusion, peut-être à un certain nombre des victoires de David relatées au chapitre précédent. Les 30 000, on a déjà vu, c'est en effet un chiffre conventionnel, et c'est surtout la reprise de 1 Samuel 4. Souvenez-vous, en 1 Samuel 4, il y avait 30 000 qui auraient été frappés, tués par les Philistins, et là, maintenant, David revient, en fait, avec 30 000 pour chercher l'arche. Donc, Ça montre que l'auteur de 2 Samuel 6, évidemment, il connaît l'ancienne histoire de l'Arche, qu'il a peut-être aussi révisée, restructurée. Et donc, d'une certaine manière, maintenant, pour faire une sorte de miroir, David revient avec les 30 000. Le fait qu'on insiste sur Kiryat Yearim qui est en Juda, ça peut très bien aussi s'expliquer dans le contexte de Josias, parce que très probablement, le roi Josias a réussi à récupérer en fait le territoire de Benjamin et donc l'a incorporé dans le royaume de Juda. Maintenant, ce qu'on constate, que c'est pas les mêmes noms. Donc le chariot neuf, évidemment, ça fait allusion au même chariot que le Philistin avait aussi. Ça doit être neuf, ça ne doit pas être contaminé. La maison d'Abinadab rappelle un Samuel 7. Par contre, maintenant, on n'a plus Éléazar, on a Uzza et Ahio. Deux autres noms, apparemment. Est-ce que le fait qu'en 1 Samuel 7, 2, on dit que l'Arche a séjourné 20 ans à Kiryat Yearim, est-ce que c'est une manière de dire, voilà, 20 ans, souvent, ça fait une génération. Donc, est-ce que, du coup, c'est la génération suivante, ou est-ce que, comme certains ont dit, Uzza pourrait être un autre nom pour Éléazar? A priori, on ne va pas tout de suite, mais il y a des exemples dans la Bible, parce que ces deux racines, c'est la racine Ayin Zed, la force, et c'est la racine Ayin Zed Resh, donc Ayin Zayin Resh, le secours. Il y a des noms qui alternent pour la même personne. Par exemple, il y a un musicien Uziel, donc c'est avec comme Uzza, hein, et qui parfois est en effet aussi appelé Azarel, comme Éléazar et Uzia. Ou encore le roi judéen Ozias, qui est appelé tantôt Uzia et parfois Azaria. Donc on pourrait imaginer peut-être que c'est un nom alternatif. Une autre théorie, c'est de dire que Ahio, c'est pas un nom propre, ça pourrait, si on enlève le yod, ça pourrait être son frère, simplement. Donc, du coup, on aurait quelque chose comme Uzza et son frère. C'est-à-dire Éléazar. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne le mentionne pas? La Septante l'a compris comme ça, parce qu'elle traduit ses frères. Il y a eu même la thèse que la famille sacerdotale de Abinadab aurait été la famille descendante de Sadoc, des Sadocides, hein, parce qu'on ne sait pas dans la Bible quelle est l'origine des Sadocides. Je ne savais pas. Donc, du coup, il dit, on veut de manière cryptique désigner le frère, à savoir Sadoc. Mais bon, ça reste quand même spéculatif. Puisque le nom Ahio, qui veut dire Yahvé est mon frère, frère aîné, mon protégé, protecteur, pardon. Comme c'est aussi attesté pour d'autres personnages, je pense qu'on peut le garder plutôt comme un nom propre. Donc, je pense qu'il faut plutôt y penser à deux noms différents, peut-être avec l'idée que voilà, les générations ont changé. Donc après, on va de manière très détaillée présenter tout l'orchestre. Alors, est-ce que ça rappelle vraiment l'existence d'orchestre dans le premier et deuxième temple, c'est pas impossible, difficile à savoir. Et après, on arrive à cet incident qui, évidemment, est en miroir à l'histoire de Beth Shemesh, n'est-ce pas? À Beth Shemesh, il y avait aussi des gens qui ont été frappés à cause d'un comportement pas adéquat. Ici, ça se passe à l'ère de Nachon. Alors, l'ère de Nachon, inconnu, sauf si c'est peut-être un nom... on a voulu l'identifier avec cette ère où David a trouvé le temple, mais c'est probablement un nom inventé avec la racine Nacha, frappé, parce qu'après, Yahvé va frapper. Donc, on ne savait pas où c'est, donc on l'a mis à l'ère du coup, à l'ère de la frappe. Donc c'est probablement un nom symbolique. Le pauvre Uzza qui veut simplement empêcher l'arche de tomber, il meurt. Pas de chance. C'est un peu la même chose ce qui arrive aux deux fils de Aaron, Nadav et Abihu, qui pensent de bien faire en offrant un sacrifice, mais qui n'est pas tout à fait un sacrifice dans les règles. Ils sont également frappés de mort. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas approcher Yahvé n'importe comment. Donc du coup, Yahvé s'échauffe, chara, c'est la même racine que la colère de Yahvé. Donc Yahvé est en colère et ça provoque la colère aussi de David. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, David ici est un peu ambigu. Et de nouveau, on va trouver une étiologie, Peretz Uza, la brèche de Uza. De nouveau, le lieu est inconnu. Si un tel lieu existe, on pourra expliquer pourquoi un des prêtres s'appelle Uza. Parce qu'il fallait expliquer ce nom de Peretz Uza, donc on va inventer un dénommé Uza qui va mourir là, et donc on peut expliquer le nom du lieu. C'est peut-être l'explication la plus simple. Parfois, il faut faire simple, même si on peut faire compliqué. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que Peretz, vous l'avez dans le chapitre précédent, où David, en fait, va battre les Philistins à Baal Peretzim. Et ce qui est très intéressant, mais ça on n'a pas le temps maintenant, c'est que les Philistins abandonnent là leurs idoles et David les prie. C'est presque une contre-histoire à l'histoire de l'Arche. Parce qu'en 1 Samuel 4, c'est les Philistins qui battent les Israélites et qui prennent leurs idoles, c'est-à-dire l'Arche de Yahvé. Et puis, juste avant ce chapitre, David fait la même chose. Peut-être quand même aussi une résonance avec 1 Samuel 4. C'est pas impossible. Mais bon, on n'a pas le temps malheureusement maintenant de parler de cela. Disons simplement encore que l'arche est chez Obed-Edom. Ça, c'est aussi très intéressant. D'abord, petite analyse diachronique. Verset 9 en rouge. Maintenant, après ces quelques séances, vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'une insertion. Parce que vous pouvez passer très vite, très bien du 8 au 10. Et puis, c'est une certaine manière, correction de David. Là, David se met en colère au verset 8. Là, il faut dire, ah non, non, il ne se met pas en colère. Il craignait le Seigneur, ce qui est autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que l'arche, maintenant, va se trouver dans la maison d'un Obed-Edom qui est caractérisé de Gathite, d'origine de Gath, une des villes des Philistins mentionnées où l'arche était entreposée, où l'arche avait fait des misères. David lui-même va séjourner à Gath, puis après on a encore un autre Gathite, Ittai. Donc il y a un lien apparemment assez fort, mais ici, je pense, de nouveau, c'est un peu une sorte de clin d'œil ironique à la première histoire de l'arche, n'est-ce pas ? Parce que maintenant, l'arche va rester aussi chez quelqu'un de Gath, mais avec justement le résultat contraire, c'est-à-dire il va y apporter la bénédiction. Et ce Gathite va s'appeler Obed-Edom, ce qui est assez curieux aussi, Obed-Edom. Certains ont dit Edom ici, il faut le comprendre comme le nom d'une divinité, Udum, qui est deux fois attestée comme la femme du dieu Réfèche, du dieu de la peste, mais c'est quand même des attestations un peu pauvres. Donc je pense qu'il faut plutôt penser comme Knauf que Obed-Edom est une sorte de forme brève de Obed, Kaos, Kos, El-Edom, donc serviteur de Kaos, qui est le dieu de Edom. Donc ça fait long, du coup, ça devient Obed-Edom. Donc vous savez, ça c'est une tendance universelle de raccourcir les noms. Mais ça, ça présuppose le royaume d'Edom, qui n'existe pas avant le 8e siècle, ce qui permet déjà de dater notre texte. Ça présuppose sans doute aussi des liens entre des cités philistines du sud et Edom. Et là, nous sommes au 7e, 6e siècle, qui va très bien si ce texte a été composé à l'époque de Josias. Après, on a naturalisé ce Obed-Edom, on a fait un lévite, un chanteur ou un portier dans le livre des chroniques, parce que c'était sans doute considéré comme gênant qu'un philistin peut accueillir l'arche, encore une fois, et être en effet, du coup, bénéficiaire de toutes sortes de bénédictions. Donc, où est-ce que ça se trouve, cette maison de Obed-Edom, si ce n'est pas une pure spéculation? Nadav Naaman a pensé que, en fait, Obed-Edom, c'est Tel Motsa. Alors, Tel Motsa, de nouveau, si on avait beaucoup de temps, c'est magnifique. C'est lors de la construction, l'agrandissement de l'autoroute. Donc, on doit faire des fouilles préventives tout le temps. Et on a trouvé un magnifique temple du 9e, 8e siècle, qui est vraiment à côté de Kiryat Yearim. Donc, l'autoroute qui passe à côté de Kiryat Yearim, vous sortez maintenant, et le site est de nouveau couvert. Mais bon, il y a des photos, etc. Il y a quelques négociations si on peut l'ouvrir ou non, mais évidemment, il y a les intérêts économiques, capitalistes et la science, et souvent ça ne va pas très bien ensemble. Mais c'est en effet un site magnifique. On a trouvé des choses, des figurines, toutes sortes de choses. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a pu construire cette autoroute, mais bon. Et comme c'est à côté de Kiryat Yearim, Nadav Naaman pense en effet que ça pouvait être la maison de Obed-Edom. C'est vrai que c'est un site occupé durant l'âge de fer, mais il n'y a pas vraiment de lien linguistique entre Obed-Edom et Motsa, alors que dans Josué 18, il y a en effet Motsa. Donc c'est difficile, cette identification. Est-ce que c'est une identification voulue? C'est difficile. Les textes, surtout, insistent sur le bienfait, comme s'il y a une sorte de charme de fécondité de l'arche, comme le dit Caco, et de Robert, qui va convaincre, finalement, David de chercher l'arche. Donc, il va la chercher avec des chants, la musique, des sacrifices. Il va bénir le peuple. Maintenant, c'est David qui va jouer le rôle sacerdotal, un peu comme Salomon. Lorsqu'il inaugure le temple, c'est un peu la même chose. Donc, ils vont, en effet, se comporter de la même manière. Il y a donc les sacrifices et la bénédiction. Donc, on ne parle plus des prêtres, c'est David qui va tout faire. Et après, il y a encore cette histoire de la danse de David devant l'arche qui va, en effet, introduire l'histoire de Michal. Donc, cette danse, elle est très compliquée. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il fait un peu allusion ou reprend une histoire où Saül fait la même chose, où Saül aussi tombe en extase, hein, en 1 Samuel 19. L'esprit de Dieu s'empare de Saül, il tombe en extase, il se dénude et reste ainsi toute la journée. Voilà pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Donc c'est sans doute un signe d'extase, de légitimation. Et David, il porte que l'éphod, donc symbole des prêtres, donc peut-être aussi on veut le rapprocher de la médiation sacerdotale. Donc que les prêtres soient nus, c'est assez courant dans le Proche-Orient ancien, c'est seulement après les textes du milieu sacerdotal qui commencent en fait à exiger que les prêtres portent des sortes de caleçons pour qu'on ne voit pas leurs organes génitaux lorsqu'ils montent les escaliers, etc. Mais c'est exactement ça après ce que Michal va reprocher à David, en lui disant que voilà, il s'est dénudé devant des serviteurs et des servantes surtout, et donc c'est une histoire qui se termine avec la note que Michal, la fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec cela? C'est la séparation définitive entre la lignée de Saül et la lignée de David. Si Saül aura eu des enfants via Michal, il y aura eu toujours un lien entre la maison de Saül et la maison de David. Mais là, on va dire que justement, Michal, la femme qui vient donc de la famille de Saül, reste stérile, et donc le lien entre Saül et David est donc définitivement rompu. Donc, résumons ce cours en 6 points, et un 7e après. Alors, le premier, c'est que la tradition la plus ancienne sur l'arche se trouve dans ce récit primitif qui se trouve dans les chapitres 4, 5, 6 et le verset 1 du chapitre 7 du premier livre de Samuel. L'arche était un sanctuaire transportable, surtout utilisé dans des conflits militaires. À l'intérieur, une représentation de Yahvé en forme de pierre, en forme de statuette, difficile de savoir. La première version de l'arche a été rédigée par des scribes de Jéroboam II, qui a fait du site de Kiriath Yearim un sanctuaire pour l'arche après la destruction, non pas de Jérusalem, non, ça j'étais fatigué, après la destruction de Shiloh, bien sûr. Kiriath Yearim fait alors partie de Benjamin et du royaume du Nord. Sur le plan historique, ce n'est pas David, mais Josias qui a fait venir l'arche à Jérusalem, maintenant oui, c'est Jérusalem, dans le cadre de la centralisation du culte. Et ce sont les scribes de Josias qui ont rédigé le récit du transfert de l'arche à Jérusalem en 2 Samuel 6 et qui ont également révisé l'ancien récit de l'arche. Après la destruction du temple, ça nous l'avons déjà vu, l'arche disparaît. Elle disparaît, mais elle laisse la place ouverte, du coup, à beaucoup de spéculations sur ce qu'elle est devenue. Nous avons vu les récits éthiopiens, nous avons vu que peut-être Jérémie l'aura cachée quelque part. Donc il y a beaucoup de choses. Et une des dernières choses que vous connaissez peut-être, voilà, ça c'est Indiana Jones. Indiana Jones, où on va aussi ouvrir l'arche, et ça va se passer aussi mal que pour les gens de Bet-Shemesh et que pour Uza. Donc d'abord, il va rien... Bon, vous connaissez l'histoire, moi je vais vous raconter l'histoire. Les méchants nazis là qui ont capturé l'arche. Et donc, mais ce qui est intéressant après, quand vous regardez, c'est que bah, d'abord, là, ce faux prêtre, là, il va ouvrir l'arche. Vous allez voir, de bus passe rien. Il est déçu parce que il va rien y trouver à l'origine. Mais attention, il n'y a que du sable. Mais ce n'est pas encore fini. L'arche, elle va agir sous peu. Vous voyez, l'électricité. Je vous ai parlé des théories sur l'arche et l'électricité. Et voilà que l'arche va en effet se manifester de cette manière. Après, il y a toutes sortes de fantômes, mais ça, je vous laisse regarder. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et à l'année prochaine. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Thomas Römer le 12 avril 2018 dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires. Aujourd'hui, le transfert de l'Arche de Kiriath Yearim à Jérusalem. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Il a publié au Seuil L'invention de Dieu et tout récemment sur des dessins de Léonie Bischoff, Naissance de la Bible, comment elle a été écrite, aux éditions Le Lombard, collection La Petite Bédéthèque des Savoirs. Un grand merci à Marguerite Maubert et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous nous pencherons sur l'évolution du génome pour la leçon inaugurale de Denis Duboule. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.